Salut. Pourquoi t'es venu ici? Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Tout va bien. Sache que ce n'était pas ta faute. Ça ira mieux demain. L'émission! Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Accompagnez-moi. Notre univers est au bord du précipice. Soyez à mes côtés. J'ai un travail à accomplir, alors je le fais. Je sens que je vais me plaire ici. Bienvenue au palais. Ça ira mieux demain. L'émission! Fadjet. Papa la pam pam. Ce nouveau numéro de Ça ira mieux demain l'émission est un numéro particulier. D'une part, nous n'allons pas revenir sur The Last of Us puisque la série est terminée. Oh, et donc, on a au moins un an ou deux à attendre avant d'avoir la suite. Ça va. T'es sûr, on aura une suite. On va pouvoir la revoir et la re-revoir, histoire de voir si on n'a pas raté quelque chose. Et tu la reverras tout seul. Ça serait quand même dommage d'avoir raté quelque chose. Ah, non, plus sérieusement, ce soir, nous allons parler d'une série originale qui sera disponible la fin de semaine prochaine sur Disney+, qui s'appelle Les Liens de Sang. Nous écouterons donc la bande originale, la bande annonce tout à l'heure. Avant cela, un parloir assez exceptionnel également, on n'a jamais fait ça. Un parloir documentaire, oui, une série documentaire. C'est une série qui cartonne en Angleterre sur la BBC. Netflix a décidé d'en faire une série Netflix de documentaire. Et nous allons découvrir ce personnage de cette journaliste hors du commun qui a la manière de vous transporter et de vous faire aimer l'histoire de France. L'histoire de France, l'histoire tout court, puisque c'est une série anglaise. Et donc, nous irons direction Planète Kink dans quelques instants dans le parloir. Mais avant cela, nous avons été ici presque les premiers à vous faire découvrir le nouveau single de Depeche Mode, il y a déjà quelques temps de cela. Deux mois ? Je ne sais plus si il y a deux mois, je n'ai pas la date exacte. S'il y a deux mois, ce n'est pas un nouveau titre. Non, ben voilà, c'est pour ça que je veux dire. Et là, donc, l'album sort aujourd'hui même. Oui. Et un nouvel extrait de l'album sort en même temps. Oui. Et attention, ce soir, il y a un événement. Oui. Sur France 2. Oui. Ils sont les invités de Nagui. Exactement, ils sont sur France 2. Bon, ils vont faire une retournée. Enfin, c'est vraiment sympathique de retrouver Depeche Mode, puisque c'est de Depeche Mode qu'il s'agit. Voici le deuxième extrait de l'album qui est sorti aujourd'hui. Ça s'appelle « My Cosmos is Mine ». C'est un peu plus particulier que le premier titre. Alors, il faut savoir qu'ils ont perdu un de leurs membres. Mmh. Donc, alors, chose que je ne savais pas, c'est que cet album a été écrit avant son décès. Il a participé à ce dernier album. Exact. Donc, il n'y a peut-être pas une explication de l'ambiance maussade, mais ce titre est quand même particulier. Mais Depeche Mode, bon, c'est Enjoy the Silence, c'est plein de titres un petit peu, mais c'était un peu sombre aussi, l'univers de Depeche Mode. Donc là, on est plutôt dans le côté obscur, on va dire, voilà, de la force. Donc, restez avec nous quand même. Avec mon monde, ne joue pas avec ma tête, ne questionne pas mon espace-temps, mon cosmos m'appartient, ne joue pas avec mon cœur, n'abat pas mes sanctuaires, ne modifie pas mes titres, mon cosmos m'appartient. Pas de guerre, pas de guerre, pas de guerre, ça suffit, pas de peur, pas ici, pas de pluie, pas de nuages, mon cosmos m'appartient. Alors je remercie Benoît pour cette nouveauté et je félicite tous ceux qui sont encore avec nous. C'est là où tu vois que c'est à ce moment-là où tu dis mais ce groupe n'a plus rien à prouver. Et là ils se disent on va sortir un tuerie en premier single et en deuxième allez, on va tenter ça, ça sera original. Eh ben écoute, tu vois, ça me fait penser, alors ça n'a peut-être rien à voir mais un peu quand même, Mylène Farmer. Mylène Farmer nous a sorti un titre, un premier titre plutôt sympathique et le deuxième titre elle nous a fait peur avec son duo le rayon vert, rappelle-toi, on n'y comprenait rien, on se demandait ce qui c'était voilà. Alors, je m'excuse auprès des fans de Mylène Farmer mais c'est pas comparable. Le premier single des Depeche Mode, c'est un truc qui reste dans la couleur Depeche Mode, c'est estampillé Depeche Mode et le deuxième voilà, il est original, il est comme tu l'as si bien dit dans la discographie de Dépêche Mode, tu as des titres comme celui-ci qui sortent du lot, qui sont originales. Par contre, du côté de Mylène Farmer, le premier single, tu cherches toujours la deuxième parce que tu te dis, ah, mais ça va déconner. Et puis alors le deuxième, alors là, tu tombes et tu te dis, c'est quoi ce deuxième titre? Et bien, la semaine prochaine, comme on fait des teasings, maintenant c'est nouveau de dire ce qu'on passe la semaine prochaine, et bien vous aurez le nouveau Mylène Farmer. C'est quand même le titre de l'album L'Emprise et c'est aussi la BO de Donjons et Dragons. On l'a pris cette semaine, ça a le mérite de devoir être dit. Pour tous ceux qui sont fans de ce jeu, on pense à nos amis de Geek World qui en parleront certainement prochainement dans une émission. Donc le jeu Donjons et Dragons est adapté au cinéma, ça sort bientôt et donc Mylène Farmer a fait la bande originale française avec L'Emprise. Et ce titre, il se place comment par rapport au premier ou au deuxième? Il est plutôt dans l'ambiance du premier, un très bon Mylène Farmer. Plutôt dans l'ambiance du premier. Non, mais franchement, très Est-ce qu'il est au-dessus du premier ou il est vraiment au même niveau ou en dessous? Il est bon, moi je l'aime bien. Ah, il est bon. Et en plus, tu verras le clip, elle est en costume d'une simple, d'une sobriété. Et c'est là que tu te dis que Mylène Farmer, eh bien, elle n'a pas besoin d'être habillée, elle n'a pas besoin de faire des artifices, d'avoir des grandes robes ou des machins. Elle a juste un petit costume cravate, je ne sais pas si c'est une cravate, un costume noir, une veste et un pantalon noir. Elle est magnifique. Voilà, ça c'était pour le côté, habit et voilà, de la soirée. Donc, si Dépêche Mode veulent faire un clip de leur Cosmos Is Mine... Ah bah, il y en aura alors, forcément. Hein. Alors, il faut un costard et non, non, mais cravate. Je ne sais pas. Bon, bref. C'est un dress code, en fait. C'est un dress code. C'est les codes de Benoît. Voilà. Donc, là, on va enchaîner parce que là, on va être en retard. Et là, on va directement passer dans autre chose. Alors, c'est... En plus, vous allez réviser votre anglais hein, parce que... C'est une série qui est sous-titrée en français, donc il n'y a pas de version française. Donc il faudra être attentif pour comprendre ce qui se passe dans ce documentaire, mais vous allez voir, elle est fantastique. Essayez de regarder, vous allez apprendre plein de choses avec des vrais scientifiques et elle pose des questions vraiment qui n'a ni queue ni tête. C'est Planète Kunk et je vous emmène dans la Planète Kunk. Alors moi j'ai une question, étant donné que j'ai fait playback en anglais, je fais comment moi? Eh ben t'écoutes, mais tu comprendras quand même. Planète Kunk. Attention, une innovation cette semaine dans Le Parloir, une série en version originale sous-titrée. Planète Kunk. En version originale Kunk on Earth, un documentaire britannique décalé qui mêle culture et humour. Car parodiant les documentaires, Planète Kunk met en scène Philomena Kunk, une journaliste qui pose des questions complètement loufoques à des experts sur l'histoire du monde. Pleine de fraîcheur et d'humour, cette mini-série anglaise est à découvrir sans attendre sur Netflix. Cette reporter anglaise au regard vaguement bovin sillonne la planète pour retracer l'histoire de l'humanité. Des premiers humains aux réseaux sociaux, de Platon à Einstein, de la naissance du christianisme à la Seconde Guerre mondiale, elle passe d'un sujet majeur à l'autre à grand renfort d'images d'archives et de témoignages d'universitaires et d'intellectuels, tout ce qu'il y a de plus authentique. Apparently, I've only been given half a minute to tell you about my venture up humanity. That's hardly long enough to explain the pyramids. It's obviously just big bricks in a triangle. I'll be asking questions. What was the Soviet Union? And go to every corner of a globe without corners. Do we know if China has a roof? So join me, Philomena Kunk. This is Kunk on Earth! Watch on BBC iPlayer. How was that? Quick enough for you? Planète Kink, diffusé par la BBC en septembre 2022, est désormais disponible sur Netflix et ressemble à un documentaire de la télévision publique britannique de la BBC. Sauf qu'il s'agit d'une vaste plaisanterie. Un mockumentaire écrit par Charlie Brooker, le créateur de Black Mirror lui-même, chroniqueur et satiriste de métier. Un mockumentaire, dites-vous ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement un faux documentaire. Tout est faux, archi-faux. La comédienne Diane Morgan, que l'on a vue dans Afterlife, y incarne avec brio Philomena Kink, une journaliste naïve, très mal informée et facilement émotive, qui parcourt le monde afin de retracer l'histoire de la civilisation en mettant en avant les progrès, mais aussi les ratés de l'humanité. Avec un regard plutôt désabusé, Philomena pose des questions souvent complètement saugrenues à de vrais experts, expertes et universitaires qui, stoïques, y répondent très sérieusement. Et même si elles ont certainement été briefées, il y a parfois ce petit moment de gêne ou de malaise, tout à fait dans la veine de l'humour anglais, au moment de l'énoncé des questions. Time is precious, but it's not like other precious things. You can't hold it like a necklace or taste it like money. Time has existed since before time began, and today it's all around us, on our phones, in the corner of the news. But once upon a time, if you wanted the time, then you had to come here, to the headquarters of time, Greenwich Clock Museum. All the clocks in the world are set from here, which must take ages. So, what is clocks? Clocks was invented by the ancient Mesopotamians in ancient Mesopotamian times, but they didn't know it were ancient Mesopotamian times because there were no clocks to see what the times was. Because of the shape of clocks, you might think that time goes in a circle, but it actually goes in a line. This is the famous Greenwich Meridian line, named after the band Meridian. It was named after this line. Qu'est-ce qui a eu le plus d'impact sur l'histoire culturelle ? La Renaissance ou le titre Single Ladies de Beyoncé ? Philomena Kink dans la série Planète Kink. Les lancements en voix off sont eux aussi très drôles. Avec un ton sérieux, Philomena Kink peut lancer « Si aujourd'hui Florence apparaît comme sans intérêt, au 15e siècle, c'était hyper tendance. » Programme de la BBC, racheté donc par Netflix, Planète Kink est une excellente surprise. En 5 épisodes de 30 minutes, ce mockumentaire remonte le temps et propose un cours d'histoire distrayant, car, comme le dit si bien le dicton, il n'y a pas de questions stupides, seules les réponses peuvent l'être. Dans la pure tradition du documentaire, Philomena Kink parcourt le monde, visite les grands musées et les sites archéologiques. Les images sont donc superbes, comme un vrai documentaire. On la voit ainsi marcher sur le bord de magnifiques falaises pendant qu'elle parle, et on la voit même trébucher pendant qu'elle parle. L'humour est aussi présent musicalement grâce à un running gag dans chaque épisode. Et on pourra découvrir notamment un extrait du clip Pump Up the Jam du groupe Technotronic, tube sorti en 1989, une idée brillante elle aussi. Dès les premières minutes, vous vous demanderez peut-être sur quoi vous êtes tombé. Vont vite vous rendre accro à cette bonne femme, toujours avec son manteau à carreaux sur les épaules. Il est donc évident qu'il ne faudra pas bouder son plaisir. Et à conseiller pour tous ceux qui ne sont pas des passionnés d'histoire, Philomène les emmènera peut-être à s'intéresser à la vraie histoire du monde. Direction donc Netflix pour le vérifier. Allez, c'était Planet Kink. Franchement, allez découvrir ça, c'est une petite pépite. J'ai vu ça dans un magazine télé, ça m'a... j'ai trouvé ça étrange. J'étais faire un petit tour et je me suis dit franchement c'est un peu original et ça change, hein. Là on est loin des séries policières, on est loin des séries de science-fiction, c'est inédit, c'est anglais et vous savez que j'ai une petite affection particulière pour les séries anglaises et ne te fous pas de moi toi derrière ton micro derrière, tu fais des grimaces. C'est rien dit. Si tu me singes. Mais n'importe quoi. Non j'étais en train d'exprimer ma compréhension. Oui, la subtilité du document. Exact. Et en plus ça m'a fait bien plaisir ce petit Technotronic Pop Up the Jam de 1989. Ah oui. Je remercie la partie musicale du document qui m'a un peu sauvé. Hein, j'avouerais c'est que... Ah, c'était pas Dépêche Mode. Allez, c'est pas gentil de se moquer. Allez, sans transition, on enchaîne avec le palais. Bienvenue au palais. Et là, nous partons direction Disney+, avec une série qui arrive donc le 29 mars, c'est la semaine prochaine, et c'est Les Liens de Sang. Allez, tout de suite, la bande-annonce. C'est pas réel. Réveille-toi, Dana. Réveille-toi. Ça a l'air d'être une crise de somnambulisme. C'était jamais arrivé avant. Ça peut être causé par le manque de sommeil, le stress. Kevin! Donna? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je rêve? C'est un rêve? Le jour, l'année, on est en quelle année? En 1815. Bonsoir, on a entendu quelqu'un crier. Est-ce que tout va bien chez vous? J'ai disparu combien de temps? Moins d'une minute, même pas quelques secondes. J'ai eu l'impression d'être là-bas une heure. Je sais de quoi ça a l'air. Est-ce que je suis folle? Surprise! Tu n'es pas folle. Je sais pas ce qui se passe. Mais c'est réel. Voilà les liens du sang. Alors, assez mystérieuse hein, la bande-annonce. Comme ça, je vais vous en dire un petit peu plus. Eh bien, Dana, puisqu'on entend parler cette belle demoiselle dans la bande-annonce, c'est une jeune femme noire. Et elle aime bien écrire, elle est aspirante écrivaine. Elle a abandonné sa vie et ses obligations familiales pour partir s'installer à Los Angeles. Elle est prête à appréhender un avenir qui, pour une fois, lui appartiendra. Elle a envie de faire ça et de se retrouver dans cette ville et d'écrire. Mais juste avant de s'installer dans sa nouvelle maison, elle va se retrouver mystérieusement et plusieurs fois propulsée dans le temps, dans un lieu intimement lié à elle et à sa famille. Une plantation du 19e siècle. Sans jamais pouvoir contrôler ses allers-retours, car elle va faire passer de l'un à l'autre assez souvent entre passé et présent, Dana va tisser des liens et une romance avec un jeune blanc, et à l'époque, donc un jeune blanc du 19e siècle, et chercher à affronter les secrets qu'elle ignorait porter en elle. Et de son côté, le temps va s'écouler inexorablement. Alors c'est une série un peu de science-fiction qui vous emmènera donc dans cet univers des plantations du 19e siècle aux États-Unis. Les liens de sang mettront en vedette Mallory Johnson, c'est l'héroïne dans le rôle de Dana James. Et on verra aussi David Alexander Kaplan, eh bien, qu'on a déjà vu dans la 4e saison de Stranger Things. Également Sophia Brown, que l'on a vu dans la série Number. Voilà, pour ce qui est, c'est une série qui est produite par FX Productions et elle est adaptée d'un roman qui s'appelle Kindred. Et donc, voilà, ces 8 épisodes arrivent d'un seul bloc le 29 mars sur Disney+. Voilà, les liens de sang à découvrir, bien sûr, sur Disney+. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette émission. On est juste là, dans les temps. Je crois que c'est une des premières fois depuis septembre où je suis totalement retourné. Là, le début était vraiment surprenant et la fin, je vous en parle pas, et le milieu. Eh bien voilà, tu essaieras de repartir dans les liens de sang pour renouer avec la famille de Dana. Peut-être que ça te parle, les liens du sang, mon cher Laurent. En attendant, on se retrouve dans la vallée, dans la vallée de Dana aussi. On aurait pu mettre ça, mais ce sera pour une autre prochaine fois. Donc là, on se quitte avec les... Ah oui, c'est le concept aussi, le disque qu'on n'arrive pas à mettre, on le met à la fin, c'est vrai. Alors là, ça va plus te plaire. Ah. Allez, est-ce que tu vas me dire, hors antenne, tu me diras, c'est le nouveau Black Eyed Peas, Bailar Cantingo, et c'est un sample d'une chanson bien connue. Tu me le diras hors antenne. Modern Talking. Moi, je vous retrouve dans une demi-heure pour le Hot 40. En attendant, bon week-end à tous et à la semaine prochaine pour un tunnel de série dès 18h vendredi prochain. Bon week-end! Bon week-end, bye bye!